pour exprimer la bonne humeur. Je suis, me sens de bonne humeur ce matin. Tu as l'air en pleine forme aujourd'hui. Elle a le moral. Il est de bon poil aujourd'hui.